pas comme un temps. J'ai déjeuné insouciant. Les filles n'existaient pas encore sur la terre. Mais dans mon fort intérieur, j'ai dit oui, j'ai dit